êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On ouvrira nos horizons culturels avec Alexandra Carignan et le temps de culture. Anne-Julie Durocher sera notre tour pour nous présenter ses choix dans sa chronique L'Index et on découvrira de la musique canadienne avec le segment de Kiwan en cavale. Assemblage requis tout de suite. Bon matin hein, et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 5 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Attends, direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Ça va, Jean-Philippe? Oui, ça va, toi? Tout surpris, hein? Pour vrai, on dirait. Ah, c'est ça! C'est pas une autre reprise? Non, non, on est où? Bienvenue à cette émission bien chargée. Hein, mais finalement. On pensait avoir une semaine assez calme à cause de la semaine de relâche, mais finalement. Check bien le mardi. Et voilà, Anne-Julie Durocher va être avec nous. Elle m'a dit, aussitôt que je me lève, je m'en viens. Ah, c'est parfait ça. On l'attend. En pyjama, peut-être. Peut-être. Peut-être. Ah, mais je voulais qu'on s'habille tous en pyjama. Ah, hein. Oh, ben demain. J'ai pas pensé de le dire. Moi. C'est le fun. Moi, je dors nu. OK. Ben. Amène tes draps, en tout cas. Oui. Mais il annonce pas trop froid demain. Ah, je sais pas. Oh, ben. Sinon, autour de ça, on va voir Alexandra Carignan avec sa chronique Le temps d'une culture. Elle qui l'a le lundi d'habitude. Elle le transitionne au mardi à 8h juste pour cette semaine. Après ça, Kiwan en cavale vers la fin de l'émission avec sa musique canadienne. On va découvrir de nouvelles choses. Et elle va nous parler aujourd'hui de Young Galaxy et de Apollo Ghost. Dans sa chronique vers les 8h40. Anne-Julie, qu'on a mentionné tantôt, elle va être avec nous à 8h30 pour sa chronique L'Index. Ah oh. Bon, super. Les informations défilent. Ça arrête plus. En début d'émission, Television. Ouais, on est mardi. Ouais, voilà, j'essaie de faire les choses dans l'ordre cette session-ci. Et à date, ça fonctionne très bien. Et puis, je crois qu'on devrait avoir du temps, si tout va bien, pour la chronique Son foutu palmarès qu'on voulait faire hier. Sur le palmarès des pires jouets pour enfants. Oh! Mm-hmm. On en parle tout à l'heure, mais pour l'instant, on débute avec une pièce qu'on adore, toi et moi. Ah oui? Je te laisse deviner, t'as le choix, là, une pièce qu'on adore. Là. J'ai tellement le goût de faire des blagues. I can't get no, non? Ça. Non, ben c'est bon ça. Ouais, c'est vieux, mais ouais, c'est bon. C'est pas notre genre. Bon, des fois, de temps en temps, un bon vieux classique. Rock classique. Ouais. Ouais, ça, faut écouter le vendredi à la nouvelle. C'est ça. Pas assemblage requis, on laisse ça aux autres. Voici Mauve et Beetle ou T-Bird. Ah, on aime ça. Ben, je savais. Je savais que t'aimerais ça. Oh, tu te connais tellement bien. Ben, okay. Tous ces horizons, le pied. capot. As-tu peur du dernier droit? Little T-Bird? Ben, simple comme ça. Ça fait la job. Ça fait la job. Ça fait la job. Je veux dire, ça faisait le job, c'est pour faire très bien parler. Ouais. Ça fait le job. Oh! Donc, Mauve, on adore ça, Assemblage Requis. Maintenant, on continue avec les nouvelles de la télé, la boîte. Là. C'est comme la boîte, pas à Kleenex, la boîte à... Avec les tout petites personnes là, qui font des spectacles. Tout des nains d'un pouce de, ouais. de haut. Ah, c'est pas correct. Voici Television. Et Television, c'est évidemment la chronique télévision ici à Assemblage Requis. On débute avec une nouvelle en fait qui, moi, me plaît, mais en même temps, c'est comme c'est très partagé dans ma tête, qu'est-ce que j'en pense. Parce que tu sais qu'un Gold Soir ne revient pas, l'émission de Jean-François Mercier. Oui, il a tourné sa dernière, je pense. Exactement. J'ai vu ça sur Facebook. Tout à fait, il va être diffusé dans les prochains jours. Et justement, ben on a appris qui allait, entre guillemets, un peu remplacer un Gold Soir. C'est Pierre Brassard. Ah! Qui va animer une quotidienne à V cet automne, donc il va être à la barre d'une... Vas-y. Ouais, mais je comprends ton... Ton mitigé. Je veux pas que Jean-François Mercier s'en aille, mais j'aime bien Pierre Brassard aussi. Ça va être un style différent. Tout à fait, dit-on, en faisant des gestes de main. Donc, à l'automne, sur les ondes de V, il va avoir sa propre quotidienne. La chaîne lui confiera 30 minutes du lundi au jeudi afin que l'animateur, acteur et humoriste passe en revue l'actualité et les grandes tendances avec son regard unique. À mi-chemin entre la parodie de bulletin de nouvelles et le variété, Pierre Brassard concoctait ce projet parallèlement avec Datit Productions, alors que son nom circulait dans les corridors de V. Bien que le titre demeure toujours à confirmer, un pilote a déjà été produit et a séduit la programmation de V. Les complices de longue date de l'animateur, René Brisebois et Jean-Philippe Rivard, ont également mis la main à la pâte. Des idées pleines à la tête, Pierre Brassard n'est pas nerveux de relever un tel défi. Je cite « Le concept me ressemble et m'offrira l'opportunité d'exploiter ces éditoriaux qui me viennent de façon naturelle. » On dit qu'en tout, 5 pilotes seront tournés avant la diffusion, ce qui nous permettra de mettre en onde un produit, un produit peaufiné et léché. En ce qui a trait à l'arrivée de Pierre Brassard sur les ondes de V, on ajoute « Nous considérons que le type d'humour dont Pierre fait preuve depuis plusieurs années, à la fois audacieux et déjanté, s'inscrit parfaitement dans la philosophie de V. » Donc, on dit humour, actualité et univers absurde. Ça va être un genre de daily show, si on veut. En tout cas, si vous connaissez, ça serait une bonne idée, ça. Ouais. C'est un peu comme... je sais pas si t'écoutais 3600 secondes d'extase. Ça me faisait aussi penser à ça. Des petits reportages, des... Ben, pas des sketchs, mais... Bulletin plateau. Il faisait bulletin plateau avec les nouvelles du plateau Mont-Royal. C'était, okay. C'était assez cocasse. Non, ça va être bon. Je pense que ça pourrait être très bon. Il y a du potentiel. Ouais, ben, faut juste pas qu'il copie trop, par exemple. Mais il faudrait qu'il trouve son style. Faut qu'il trouve son style, parce que c'est ça, t'en as plein aux États-Unis, le Daily Show, le Colbert Report, 3600 secondes d'extase, comme t'as dit, la fin du monde est à 7h, tout ça se ressemble un peu, là. Il faut essayer de trouver sa propre façon de le faire. D'ailleurs, on parlait de Jean-François Mercier, qui pourrait revenir très rapidement à V. Jean-François Mercier offrira une ultime émission le vendredi 8 mars, on l'a déjà dit, dans un format allongé de 60 minutes, et en réinventant sa toute première invitée, Véronique Cloutier, qu'il avait eu en 2010. Après 337 émissions, Jean-François Mercier met fin à son aventure de fin de soirée. Donc, la dernière émission qui va prendre la forme d'un faux pilote pour un nouveau faux talk show intitulé Un gars grand public le soir. Pour ce faire, il va recevoir celle qui avait été sa toute première invitée, comme on a dit, Véronique Cloutier. Jean-François Mercier a retenu les services de Scott Price à titre de chef d'orchestre. Les Nobody feront des apparitions spéciales. La programmation de V a dit plus sérieusement garder la porte ouverte pour le retour de son king. La directrice stratégie contenu et programmation a indiqué que le réseau était en discussion avec lui afin de voir quel projet lui permettrait d'exploiter sous un nouvel angle ses talents d'animateur, d'humoriste et d'auteur. J'imagine qu'il va faire quelque chose de moins trash. V subit une TVA-fication assez rapide depuis les dernières années. Ils ont commencé très, très, très trash et graduellement devient une station que les gens écoutent quand ils veulent quelque chose de pas proche, mais pas trop de TVA. T'sais, juste un petit peu rebelle, mais pas tant que ça. Ah. C'est dommage un peu, je trouve. Moi, j'aimais beaucoup V à ce début. Ils vont faire une émission d'ailleurs qui va s'appeler Le Son. On a ajouté que V tient à le revoir sur ses ondes rapidement, Jean-François Mercier. Le pilote, d'ailleurs, qu'on disait, va diffuser vendredi à 21h30. Spécial quand même de laisser la porte ouverte à une émission qui va sûrement rire vraiment beaucoup de la matentification, justement, de V. Mm. Ça va sûrement être assez à l'envers de ce que V souhaite avoir sur ses ondes. Mais bon, tant mieux, il lui donne un prime time, c'est très, très bien. Ça va être 21h30. Ça va être 1h30, c'est ça. C'est en plein. Ben, tu sais, c'est ça. C'est le bon public. C'est le fringe en même temps. C'est comme juste avant d'être late night. C'est comme en fin de soirée. Ça choquera pas trop le public de 19h, 20h. Mais bon. Bref, l'émission qui est en onde depuis le 30 août 2010 à V. Quand même. Le temps passe, une de ces vitesses, Mathieu. Ça n'a pas de sens, hein? Non, mais pour vrai, on s'en rend pas compte. Le film Starbucks se transforme en série télé à City TV. Seed, ça va être la nouvelle sitcom canadienne produite par Force 4 Entertainment et diffusée sur City TV depuis juste il y a quelques semaines. Et puis, je pense qu'on avait déjà parlé un petit peu de ce sujet-là, mais pour vous dire que c'est commencé, que ça joue en ce moment, et c'est inspiré du film québécois Starbucks de Ken Scott, qui date de 2011. Donc, allez voir l'article qui vous raconte un petit peu l'histoire, les personnages sur assemblagerequis.com. On parle d'émissions pour enfants maintenant. Le milieu québécois, parlant d'enfants, Seed, c'est une affaire de père de plusieurs enfants de... Ben oui. Par insémination. Beaucoup de petits bébés. C'est drôle. Donc, le milieu québécois de l'animation demande au gouvernement marois d'assouplir l'interdiction de publicité télévisée destinée aux enfants de moins de 13 ans. Je cite, « La publicité destinée aux enfants serait correcte sur Internet, mais néfaste à la télé. Ne soyons pas hypocrites. C'est bien beau la vertu, mais la publicité est au cœur des revenus des chaînes de télé. » Point. Il a dit... Ah, il l'a dit, pas à peu près. Télétoon n'a pas de revenus publicitaires au Québec, donc ils ne peuvent pas dépenser autant dans les séries d'animation. Ça a du sens, hein? Donc, le regroupement d'une quarantaine de studios et de producteurs québécois annonce la tenue d'états généraux sur l'industrie de l'animation le 24 avril prochain. Le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord où la publicité télévisée visant les enfants de moins de 13 ans est interdite. Alliance Québec Animation ne demande pas l'abolition de cette loi adoptée en 1980. Je cite, « Il pourrait y avoir un cadre raisonnable d'interdiction. » Mais j'avoue que c'est difficile de faire des nouvelles séries pour enfants si t'as pas de budget parce que t'as pas de pub. Ouais. Je me demandais à quoi pourrait ressembler une pub pour enfants de 13 ans. Et tu avais justement un concept. Attention, sketch! Sketch. Tu veux une bonne Marlboro? Puis la Marlboro, c'est comme un petit jouet. Bon, oui. Ouais. Bah, non, mais... On disait non. Non, mais c'est quoi qui... Tu t'achètes rien quand t'as 13 ans? C'est tes parents qui achètent? C'est de la publicité qui va être visée aux parents et donc les enfants vont quémander à leurs parents ça devient vraiment... C'est pour ça que la loi existe. C'est vraiment... c'est pas le fun d'être un parent quand t'es bombardé de produits pour enfants. Ouais. Ben ça me fait penser... T'as-tu vu l'annonce... C'est-tu Windows 8? où la petite fille fait des dessins à son papa. Là. Genre sur sa tablette ou je sais pas trop quoi. Tu sais. Mais c'est pour qui ça, cette annonce-là? Les gens d'affaires. C'est tellement à mode les produits Windows en plus. Oui. Les enfants veulent tout ça. C'est tellement in. Miss Teen USA, Melissa King, démissionne après l'apparition d'une vidéo porno. Ah ah ah, faut bien en parler, hein. Donc, Miss Delaware Teen USA a redonné sa couronne après qu'une vidéo porno ait fait surface sur Internet. Bien qu'elle ait dénié qu'une telle vidéo existe, Melissa King, 18 ans, a officiellement redonné sa couronne. Le porte-parole pour le concours Miss Teen USA a sorti un communiqué disant, je cite, « J'aimerais confirmer que le concours Miss Delaware Teen USA a reçu la lettre de résignation de l'avocat de Madame, Mademoiselle, oui, King. La vidéo aurait été tournée quelque part en juin 2012. Au début de la vidéo, une fille en robe mauve qui ressemble étrangement à Melissa King, assise sur un lit, répond aux questions d'un homme derrière une caméra suivie d'une relation sexuelle complète. » Scénario classique. Ben, c'est facile, je te dirais. Une étoile sur cinq. Donc, elle a été couronnée en novembre dernier, 4 mois seulement après le tournage de la vidéo porno. L'homme lui demande quand elle a eu 18 ans et elle lui répond il y a 3 mois. Bref, c'est des détails. Oui. Allez voir ce rassemblage. Sans suivi. Toute une histoire. Ah, quel journaliste, cet homme derrière la caméra. On parlait encore là d'enfant, presque. Elle vient d'avoir 18 ans. Spin-off pour Dora the Explorer chez Nickelodeon. Nickelodeon a décidé de développer de nouvelles émissions pour attirer les enfants post-millénaires, donc ceux nés après 2000. Quel lien louche. Incluant un spin-off pour Dora l'Exploratrice et une troisième saison pour Teenage Mutant Ninja Turtles. Parmi les nouveaux projets, il y aura Dora and Friends qui met en vedette la jeune héroïne latine de 10 ans alors qu'elle part à l'aventure dans les grandes villes avec un nouveau groupe d'amis. La série préscolaire a été signée pour 20 épisodes et devrait être lancée sur Nickelodeon en 2014. Il y a plein d'autres projets aussi sur assemblagerequis.com. J'essaie de filtrer un petit peu mes nouvelles. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas super intéressantes. Là. Mais il y avait Kiefer Sutherland qui va revenir sur NBC dans une nouvelle série. Vous savez peut-être, son émission Touch sur Fox fonctionne pas très bien. On s'attend à ce que ce soit retiré des ondes très bientôt. Donc l'acteur canadien participera à la saison des pilotes, ce qui est toujours une mauvaise nouvelle. Kiefer Sutherland, précédemment de 24, tiendra le rôle principal de The Blacklist sur NBC. Après avoir poursuivi des criminels pendant 8 ans dans 24 heures chrono, Kiefer Sutherland, va en devenir un. Il deviendra même l'ennemi public numéro 1 qui a mystérieusement décidé un jour de se rendre au FBI afin d'aider l'agence fédérale à mettre la main sur les hommes de son registre. Au vu des audiences enregistrées par Touch depuis son retour le 8 février dernier, Fox pourrait très bien mettre fin à l'expérience dans les prochaines semaines. Les deux derniers épisodes en date ont attiré seulement 2,5 millions de téléspectateurs. Triste. Que voulez-vous? Ils n'ont pas la Touch, comme les cure-dents de la cafétéria disent. Là, on a la Touch. La compagnie qui fait les cure-dents s'appelle Touch. Touch, c'est vrai. C'est débile. C'est jamais vu. On a la Touch. Ouais. Si on peut croire les sources, apparemment que Jay Leno annoncerait sa retraite bientôt. Encore une fois, une nouvelle rumeur dit que NBC prévoit annoncer que le mois de mai sera donc le mois de mai de la saison de télévision 2013-2014 sera donc le dernier mois de mai pour Jay Leno. Le Hollywood Reporter a reçu NBC de... Jay Leno lui-même ne voudrait pas s'en aller, mais bref, NBC le forcerait à s'en aller et Jimmy Fallon prendrait le Tonight Show l'année prochaine. Je sais pas, c'est ce qu'on dit. Là. Il y avait déjà annoncé sa retraite, Colin avait pris sa place, il avait animé le Tonight Show pendant quelques mois. Ça n'a pas marché. NBC voulait ramener Jay Leno, ils ont réussi. Il lui avait donné entre-temps un talk show de fin de soirée à genre 22h. En prime time qu'on appelait aux États-Unis. Et bref, ça avait fait un échec total. Et là, apparemment, NBC voudrait se débarrasser encore de lui. C'est encore loin d'être confirmé, mais on dit que ça aurait du sens étant donné que Jimmy Kimmel est passé de 18h05 à 23h35. Et là, la compétition est vraiment beaucoup plus féroce entre les trois talk shows de 23h35. Kimmel qui est très populaire avec les plus jeunes publics et Leno qui est populaire avec un très, très vieux public qui aime l'humour facile. Donc voilà, on va suivre le dossier. J'ai bien hâte de voir si Jay Leno va encore une fois prendre sa retraite. Ridicule. Nouvelle étrange ici, une émission qui a été retirée mais qui va revenir finalement sur les ondes. Ah. Est-ce que tu connais Diva de l'au-delà? Ça joue, je crois que c'est à Canal, à Série Plus, je crois, au Québec. Sinon, Diva de l'au-delà. Diva de l'au-delà. Diva de l'au-delà. Diva de l'au-delà. Aux États-Unis, c'est sur Lifetime. C'est une comédie qui s'appelle Drop Dead Diva. Le réseau l'avait retiré plus tôt cette année, mais ils ont changé d'idée, ils ont renversé leur décision. Ils vont revenir pour une saison 5. Le studio et le réseau, au départ, n'étaient pas capables de négocier les coupures de coûts. Ils voulaient que ça coûte moins cher pour la 5e saison, mais ils ont finalement trouvé une solution. La série suit une top modèle aspirante, top modèle, Deb, qui meurt et qui est réincarnée en tant qu'avocate un petit peu bedonnante, là, je sais pas comment dire plus sympathiquement que ça. Jane Bingham, jouée par Brooke Elliott, la finale de la saison 4, qui a eu des records de cotes d'écoute, c'est bizarre quand même, avec 2,76 millions de téléspectateurs. C'est terminé sur un cliffhanger, sur un gros punch, et là, je lis même pas le reste de la phrase en ondes pour ceux qui n'ont pas vu la saison 4. Donc voilà, Drop Dead Diva va revenir pour une cinquième. Maintenant, les Simpsons se sont attaqués au Harlem Shake, eux aussi. Si vous voulez voir la vidéo sur assemblagerequis.com, sauf qu'eux, ils font le Homer Shake. Eux qui essaient d'être dans le récent, malgré le fait que, Colin, c'est difficile de faire des dessins animés, ça prend du temps. Donc, allez voir ça. J'imagine que je l'ai vu. C'est correct. Ça ressemble à tous les autres Harlem Shake. Il y a même la distribution de Happy Endings, une sitcom aux États-Unis qui a repris ça. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com pour les petits liens vidéo. Nouvelle qui, moi, m'excite, mais qui, j'espère, va exciter beaucoup de gens, et surtout les fans d'impro sont fans de cette émission-là. The CW, le réseau de télé, va ramener Whose Line Is It Anyway, l'émission d'improvisation de Drew Carey, mais sans Drew Carey, avec Aisha Tyler à la place, donc à l'été 2013. C'est une émission de sketch où l'animateur donnait des n'importe quel genre de folerie à faire à quatre panélistes invités qui étaient sur des chaises. Au Québec, ça avait été refait il y a quelques années, même plusieurs, même décennies. Ça s'appelait les Kamikazes, avec le caricaturiste Chapelot. Chapelot qui animait ça, c'était correct. Bref, ça va revenir à l'été 2013 de Whose Line Is It Anyway avec Ryan Stiles, Wayne Brady et Colin McRae, les trois vedettes originales de l'émission. Ils vont tous être de retour. Aisha Tyler qui a animé Talk Soup, un petit talk show de... genre de petite émission de clip show aux États-Unis. Bref, va animer ça. Et puis, il va avoir un invité spécial par épisode. Il va seulement y avoir 10 épisodes cet été, mais on s'attend à un succès. CW qui avait complètement éliminé les comédies de sa programmation il y a quelques années. Là, essaie de replonger un petit peu dans le domaine. Alors, on rappelle que Whose Line Is It Anyway avait duré 8 saisons sur ABC entre 98 et 2004. Comme on disait, The CW a commandé 10 demi-heures pour la première saison. Ça va filmer à Los Angeles. Et vous pouvez aller voir les clips de l'émission originale sur assemblagerequis.com. Pour vrai, pour les amateurs d'improvisation, évidemment, qui comprennent l'anglais un peu, ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Sinon, The Bible et Vikings, on avait parlé un petit peu de The Bible dans la chronique Television il y a quelques semaines. Ça a livré tout ça de grosses codes d'écoute pour la chaîne History Channel. Ils ont vraiment augmenté leur code d'écoute du dimanche soir avec les premières de The Bible et de Vikings. The Bible qui a eu le plus gros taux d'audience de la soirée, que ce soit diffusé sur un grand réseau ou sur le câble. Donc là, vraiment, c'est rare qu'une émission sur le câble va battre les grands réseaux. 13,1 millions de téléspectateurs pour la première de 2 heures, alors que Viking a été suivi par 6,2 millions. Et puis on dit que 2,5 millions dans les 18-49 ans, ce qui est très très bon. Évidemment, c'est des chaînes câblées, donc ils rediffusent leurs émissions populaires juste après la diffusion. Mm-hmm. Ça fait Bible, Viking. C'est vraiment comme ça tout le temps. Et puis les codes d'écoute ont été vraiment bonnes pour les deuxièmes diffusions aussi. 14 fait monter le tout à 14,8 millions pour The Bible et 8,3 pour Vikings. Donc gros succès, on va sûrement voir ça arriver au Québec très bientôt. Et Seth MacFarlane finalement a annoncé qu'il n'animera pas les Oscars une deuxième fois. Il a été, je pense, assez déçu par comment il a été accueilli par les gens. Alexandra Carignan avait beaucoup aimé. On se rappelle, elle nous avait parlé de ça. Mais c'est pas tout le monde, hein? C'était pas unanime. Pas tout à fait. Même ça penchait assez fort du côté négatif. Donc Seth MacFarlane ne reviendra pas. Il a dit c'était bien amusant de le faire. C'était cool, mais je vais pas le refaire. Voilà. Et c'est à peu près Ricky Gervais avait à peu près la même opinion après avoir animé les Golden Globes 3 fois. Après, il avait dit ça après la première fois qu'il avait animé et puis il est revenu 2 autres fois. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que le texte me dit ici. Donc peut-être, je sais pas, Seth MacFarlane dit qu'il reviendra pas, mais on sait jamais. Et on termine avec les talk shows pour la semaine du 4 mars 2013 en sautant évidemment le lundi parce qu'on est mardi en ce moment. Et aujourd'hui, évidemment, à David Letterman, on reçoit les sœurs Kardashian, Kim et Courtney. Super, super. Jennifer Lawrence est là jeudi, la grande vedette qui s'enferme aux Oscars, mais qu'on adore parce qu'elle est donc sympathique. Et cute. Tellement. Vendredi, Al Pacino. C'est pas rien. Jay Leno, ce soir, Jennifer Lawrence, lui, là, un petit peu avant David Letterman, donc ce soir, mardi. Ensuite, mercredi, Ben Affleck. Jeudi, Anne Hathaway. Vendredi, Hugh Jackman et Jessica Chastain. À Jimmy Kimmel Live, ce soir, il y aura Zach Braff de Scrubs, pour ceux qui apprécient ça. Mercredi, Jessica Simpson. Jeudi, Kobe Bryant. À Craig Ferguson, ensuite, ce soir, Larry King. Demain, Christina Hendricks de Mad Men. Et puis, c'est à peu près ça. Allez voir sur assemblagerequis.com pour tous les autres talk shows, entre autres Jimmy Fallon. Il y avait, je voulais faire aussi SNL, mais je crois que cette semaine... Ah oui, non, c'est un nouvel épisode de SNL cette semaine. C'est Justin Timberlake en tant qu'animateur et chanteur, invité, musicien. Donc, Justin Timberlake à SNL. Tout ça sur assemblagerequis.com. Ce sera jamais assez dit. C'est tout pour Television. Television. On s'en va entendre une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Qu'en dis-tu? Certes! Dis-moi en plus! Ah ben, Colin, que ça me tente de t'en dire plus. On s'en va entendre la formation Elephant Stone. Mmh. Oh, c'est intriguant tout ça. Et la pièce s'appelle Setting Sun. Donc, Elephant Stone. Setting Sun, c'est bizarre. T'as envie de dire le contraire, t'as envie de dire Elephant Sun puis Setting Stone, mais non! Mais non! Tout de suite, puis après ça, ben, on vient avec plus de contenu. Hein? On va essayer. Et de bouche pas... Ouais. Bouche sèche. Bouche sèche. Bouche sèche. The one that burns in the dark. rentrée de Elephant Stone, Setting Sun, à Assemblage Rocky. Et ça, vous allez la réentendre parce que c'est super bon et aussi parce que ça va être dans le palmarès anglophone qui va jouer jeudi après-midi entre 15h et 18h. Pub, tu sais, c'est une pub. Hey, je suis vraiment pas fier de moi, Jean-Philippe. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tantôt dans la chronique Television, là. Qu'est-ce que t'as oublié? Moi, je m'étais parti un nouveau concept. J'allais finir avec une chanson thème d'une émission de télé version longue à la fin, puis je l'ai pas fait aujourd'hui. Ah, mais on peut se reprendre. On se reprend juste là. Veux-tu finir comme avec des dernières phrases de Television? Si j'étais vraiment fort, là, tu sais, je pourrais même partir genre avec le thème, genre juste à la fin, là, tu sais, genre, ça finissait de même à peu près. Comme ça. On va l'avancer plus loin. Oh, voilà. Ouais. Puis on peut faire comme si on venait sur un talk show. C'est ça. Un radio talk show. Talk show de Gileno, hey, es-tu pas drôle? Ben oui, hey, il revient à 23h35. N'importe quoi. C'est tout pour la chronique Television pour aujourd'hui. On skip comme on le fait toujours avec un extrait musical. Donc voici la chanson thème de l'émission Community, une sitcom sur NBC. C'est The 88, le groupe. Voici At Least It Was Here, 89.1 FM. C'est fou. Ah oui. Naturel. Ça coule, hein? En direct de Trois-Rivières. Gâche tout. I cannot stand to wait anymore. Somebody say, be what you be. We could be old and cold and dead on the sea. But I love you more than words can say. Well, I can't count the reasons I should stay. Retour les pires jouets pour enfants dans la chronique Son foutu palmarès à Assemblage Rocky. J'ai hâte d'entendre ça. Dexter. Le couteau. J'essaie de mimer un couteau à la radio, mais ça marche moins bien un peu. Fouin, fouin, fouin. Tadam, tadam. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89A. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. 7h37, toujours Assemblage requis avec Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Maintenant, c'est le moment de faire une liste de choses. De point. Même ça va avoir l'air, tu sais. Ouais. Sans cesse. De l'information, des choses de fun, tu sais. Si t'as Word en français, tu peux faire plus. Plus, ouais, c'est ça. On vous en donne plus. Ah oh, oui. Ici le slogan. Voici son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa liste. comme si on passait en chanson, tu sais, puis ça, on revenait d'un long bloc de chansons. Ça s'appelle l'intro de cette chronique-là. Donc, dans la chronique Son foutu palmarès, on fait une liste de quelque chose. C'est bien simple à comprendre. Là. C'est, les gens aiment ça, les listes. C'est connu. Et aujourd'hui, c'est le top 20 des pires jouets pour enfants, selon Heavy.com. Pas pire, hein? On commence avec une poupée pour allaiter. Oh. Tu sais, quand t'es une jeune fille, là, c'est toujours bien. Tu veux apprendre à allaiter. Parce qu'une femme qui allaite dans la rue, mettons... En vaut deux. Tu l'auras. Ça a déjà l'air un petit peu awkward. Des fois, les gens sont vraiment pas sûrs. Pourtant, c'est un devoir naturel de mère. Et il faut le faire. Mais ta jeune fille de 6-7 ans, je sais pas trop quoi, qui va allaiter dans la rue, je suis pas sûr. Donc, ça s'appelle Breastfeeding Baby Doll. Ensuite, t'as Jibba Jabber. C'est une poupée qui fait du bruit quand tu lui tords le cou, quand tu lui brasses le cou. Donc, c'est comme apprendre un peu comment devenir parent dans le futur. Parce que tes enfants ont appris qu'il fallait tordre le cou de ton bébé quand tu fais du bruit. Là. Pas sûr que ce soit une si bonne idée non plus. Ensuite, elle est cute en plus. Et très cute. Jelly Bath. Et le prochain, c'est un bain de Jello pour les enfants. Donc, les enfants peuvent jouer dans ce bain de Jello-là. Je sais pas. Pourquoi pas. Mais ça goûte rien. C'est plus un fantasme de parents. Et voilà. Acheter plusieurs de ces Jelly Baths-là et organiser un achat-galerie. Oui, c'est pour mon enfant, je te jure. Hein? Ah, c'est le God Almighty Action Figure. C'est pas merveilleux. C'est le Jesus Christ Superstore qui nous présente ce God Almighty Action Figure. C'est une figurine de Dieu avec un AK-47. Oui, en option. Pour faire respecter la loi, un Kalachnikov. Ben oui. Ensuite, Playmobil Hazmat Figurine Set. C'est évidemment des Playmobil, là, comme les jouets Playmobil d'habitude, des petites figurines, des affaires comme ça, mais avec des gens qui s'occupent de déchets toxiques. Donc, ils sont habillés en gros habits de je sais pas quoi, caoutchouc. C'est quand même cute. C'est cute. Ben, il n'y a rien de mal dans celui-là. Alors que le prochain, le Dora's Aquapet, édition limitée. À quoi est-ce que ça te fait penser, Jean-Philippe? À ma jeunesse. À quand tu te découvrais. Oui. C'est ça. Oui, c'est assez phallique. C'est assez phallique pour toi et pour la fille qui va peut-être découvrir son corps. Je sais pas, mais c'est Dora's Aquapet. Je pense que c'est de l'eau sur le dessus. J'ai aucune idée. Mais bref, aussitôt que la jeune fille va atteindre la vingtaine, va sûrement avoir des flashbacks à sa jeunesse. En tout cas, c'est quelque chose que tu peux traîner genre vraiment longtemps dans ta vie. Genre. Linus, dans Charlie Brown, traînait sa petite couverture. Là. Ben, la jeune fille va traîner ça. Oui. Kabakik, et le prochain, c'est un peu un genre de roulette russe pour enfants. C'est les Japonais qui ont évidemment créé ça. On s'entend que c'est pas une surprise ici. Et donc, l'enfant va tirer sur ce fusil-là, c'est en forme de fusil, va se tirer dessus. Et il y a un petit hippopotame. Est-ce qu'on fait la liaison quand ça commence par un H, non? Un petit hippopotame, bref. Hippopotame. Qui sort et qui te donne un coup de pied d'en face. C'est génial, hein? C'est comme un genre de roulette russe, mais sans la mort. Ils ont pris un bel enfant hein, pour faire l'annonce. Oui, il y a une phase de... Le gars qui a l'air de s'être fait frapper dans la face par un vrai hippopotame dans ma vie. Ouh, il s'est rentré le jouet de Dora. Lightning Reaction Extreme est le prochain jouet, un des pires jouets pour enfants. C'est un jeu d'habileté et de rapidité, donc les joueurs doivent appuyer sur la lumière avant que les autres personnes autour de la table le fassent, et sinon tu reçois un choc, bref. Tu reçois un choc électrique si tu l'as pas en premier. Ce que j'aime, là, c'est que c'est un jeu pour enfants, et ça, l'image, toutes des mains de vieux. On dirait, hein? Ils ont peut-être trop joué. C'est peut-être vraiment des enfants, mais qui ont tellement joué. Ça les a ratatinés. Oui. Ah, pauvre enfant. Ils n'ont pas réussi à trouver des enfants qui voulaient jouer à ce jeu-là de choc électrique. Tu sais, dans certains pays, tu peux te faire traîner par un rickshaw. Là, c'est donc quelqu'un qui va soulever le véhicule. Il va un te pouce-pouce. Traîner. Un pouce-pouce, c'est exactement ça. Donc, un mini-tir-tir, si on veut. Donc, pour vivre l'expérience de vivre dans un pays du tiers-monde, c'est parfait. Parfait. Tiré par une fille. En plus, hein? Taille haute. Elle a l'air plus grande que le garçon, donc ouais. Ça, c'est plus forte. Ensuite, en général, le bolo. Le bolo. Le bolo. C'est sur le palmarès de heavy.com. Le bolo, c'est ennuyant comme jouet. Perfumerie, voilà. Perfumerie, c'est comment créer son propre parfum signature, sa propre fragrance. Ça va être comme passer devant chez Blush aux Rivières dans le temps. Mais à tous les jours. Blush. Tu sais, la boutique qui vendait des savons et les enfants là-bas. Pour Rivière, je ne penserais pas. Mm. Peut-être, je pense pas. Je pense qu'il y a un autre magasin de parfum. Ça sent tout le temps fort. Oui, c'est l'occasion parfaite pour lâcher un petit pet. Pop! C'est le moment. T'auras pas plus de temps que ça, dépêche-toi. Ensuite, Pole Dance Doll. C'est une poupée qui fait du pole dancing, littéralement. Les petites filles aiment imiter leur mère, nous dit l'article. Il y a des limites. Encore une fois, Playmobil, mais ici, Security Check Figurines, c'est pour imiter l'aéroport. Tu sais, à l'aéroport, quand tu te présentes là, ils regardent dans tes bagages et tout ça. Donc, c'est vraiment des figurines de gens de l'aéroport. C'est mauvais. Le Shapeshifter Punisher. Seigneur. Tu l'as vu, celui-là. Celui-là est génial. C'est un jouet, un genre de figurine quand même articulable, mais en plein milieu, à la place de l'entrejet, ce que t'as, c'est un genre de marteau-piqueur. Ou quelque chose comme ça. Je sais pas comment tu décrirais, toi. Une méchante bonne drill. Ils appellent ça une crotch rocket. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment, en plus, le nom du jouet, là. Shapeshifter Punisher. Punisher! Il te le dit en avance, ça va faire mal. Shapeshifter Penisser. Ouais. Wow. Je sais pas, mais personne s'est rendu compte de ça lors du développement du jouet, apparemment. Et c'était le top 20. Ah non, ça continue! Il y en a. Ah! Je voulais pas. Je peux pas sauter ça. Non! Si j'avais sauté celui-là, je m'en serais voulu pour le reste de l'éternité. C'est le Airy Baby. C'est un bébé qu'on peut raser soi-même. C'est japonais, encore une fois. C'est un bébé, premièrement, roux. Rien contre ça, absolument aucun problème avec ça. C'est japonais. C'est un japonais roux, c'est commun. Bref, une grosse touffe de cheveux sur la tête. Tout plein de poils qui ressemblent à un sac à dos, là, des bretelles de sac à dos. Ouais. Ensuite, l'entrejambe au complet. Puis c'est aussi poilu que son pad. Oh oui, son pad en arrière. Hein. T'es-tu poilu du mollet, toi? Du mollet, oui, malheureusement. Aussi en avant qu'en arrière? Mais c'est parce que lui, il a comme des bracelets de poils aux chevilles. Ça devrait être toutes les jambes au complet, tant qu'à ça. Non, je suis très poli de la jambe, moi. Hey, c'est clairement des poupées qui ont été faites à Hiroshima, là. Ah, des malformations, puis des... C'est méchant, là, mais je veux dire... Qu'est-ce que c'est ça? What the? Ouais. What the? Voilà. Harry Baby. Ensuite, des jouets toutou qui imitent des maladies vénériennes comme la chlamydia, le clap et l'herpès. C'est bizarre, c'est pour les enfants. Ça donne le goût d'en avoir. Des enfants ou des maladies transmises sexuellement? De façon tellement cute. Ouais. Ça, là, le prochain, est-ce que tu le vois? C'est supposé être le doigt de E.T. que tu te mets au bout de ton doigt et que ça fait une petite lumière, mais ça ressemble tellement, tellement à autre chose. Ah, puis il est tellement long. Tellement long, tellement mince, je connais pas ça, mais bref. Très ratatiné, ça non plus, je m'y connais pas. La batterie est incluse. Ça, je m'y connais. Non. c'est pour les enfants de 4 ans ou plus, batterie incluse, en effet. C'est génial, ça. C'est l'item numéro 4111. Ouais, on dit que ça va être très, très populaire chez les ménagères dans les années 80. Ouais. Ensuite, le ballet de Harry Potter vibrant. Tu te mets ça entre les jambes, jeune garçon qui imite Harry Potter. Il a l'air très heureux, soit dit en passant. Il a l'air. Sourire niais. C'est ça, on dirait qu'il est comme inconfortable. On dirait qu'il s'est fait kidnapper ou je sais pas quoi. Puis qu'on lui demande de faire. Une rançon. Une rançon, il faut sourire. Non, j'aime pas ça. Ensuite, ah non. Non. Ok, ça s'appelle le Squeakhammer. Wolverine Squeakhammer, c'est un marteau, tu sais, en genre de ballon gonflable. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Jusqu'à maintenant, c'est parfait. Il y a l'image de Wolverine dessus. C'est beau. Ça a l'air parfait pour un enfant. Jusqu'à temps que tu découvres où est le trou pour souffler le ballon. Clairement, dans le... On utilise le mot l'entregent à son âge de tout le temps. Je trouve que c'est approprié. Oui, l'entregent de Wolverine. C'est là que tu gonfles le ballon. Ah, pour les futurs concierges de ce monde, et encore une fois, il n'y a rien de mal là-dedans, mais c'est My Cleaning Trolley par Pretty Uni. C'est comment devenir concierge. Vraiment, t'as le petit seau, t'as les brosses, t'as le balai, tout ça, t'as les produits pour nettoyer. Pourquoi pas? Et finalement, de l'autre côté complètement, de la sphère du bon goût ici, c'est... Comment devenir thug? Comment devenir thug ou felon? Felon depuis toujours. des tatous pour enfants. C'est vraiment... De l'encre, mais c'est comme de l'encre qui va partir au lavage, mais ça vient avec un petit kit de modèles de tatou, des templates, des pochoirs, si on veut. Les gars ont l'air particulièrement d'aimer ça, je pense. Ah ouais, puis tu sais, ils ont vraiment voulu faire ce thug, là. Il y a comme une planche à roulettes à l'envers. Ouais, sur la table, il y a une casquette à l'envers. Casquette d'armée, là, en plus. Ouais. Là, avec des... ouais. J'ai de penser pour François-Olivier, qui je sais pas. Oui. Qui co-animait avec toi. Oui, dans le temps. Dans le bon vieux temps. Ben oui. Alors, on pourrait peut-être y envoyer un item de chaque. Ah, j'aime ça! Ah, c'est bon! À son de CPE. Ouais. Pour éduquer ses enfants, tu sais, futures mamans. D'après moi, ils vont revenir assez vite ici. Ouais. Si on fait ça. Tu trouves pas que le gars de droite, il a l'air d'un genre de faux One Direction? Ah, oh, ouais, tellement. En tout cas. Bref, c'est le top 20 des jouets, les pires jouets pour enfants. Allez retrouver ça sur assemblagerequis.com. Et puis après ça, ben, cherchez pour les acheter parce qu'il n'y a même pas de lien vers des pages d'achat. Là. C'est cherchez-le par vous-même. Il y en a qui existent sûrement même plus des années 80. Mais bon, assemblagerequis.com est l'adresse. Voilà pour son foutu palmarès et l'intro la plus longue du monde. On la refait-tu jouer? Non. On retourne en musique, elle entend entendre Chantel. Ouais, Chantel. Chantel Chambo. C'est Chantel Archambault, voici Les Détours à l'instant. Sur C'est Fou 89 en fait. En direct de Trois-Rivières. Thug Life, Ellen. Bon, ça le passer les repères, façonnés par nos corps. Brûler les étapes. Chantal Archambault et Les Détours à Assemblage Requis, c'est sur le palmarès francophone, bien évidemment. Jean-Philippe Charbonneau, t'es allé à Québec, je pense, toi, hier, un petit voyage road trip power? Ouais. Question de faire du millage. Du millage sur ta petite voiture. Tercel, Toyota, Hyundai, Nissan, Pathfinder. Je connais pas les chars. Je voulais pas jusqu'où t'as tiré. Ben oui, je suis allé là. Ça smart. Non. Et t'as une anecdote à nous raconter parce qu'il y avait un gars qui avait l'air un petit peu blasé, je pense, dans sa vie. Hein. Oui, ben écoute, comme ça, tu sais, il va bientôt avoir une soirée cachée, c'est fou. Pour le mois de mars, ça s'en vient. Oui, ben l'événement est déjà créé. C'est le 13. Oui. Donc, mercredi prochain. On est à presque une semaine. On va voir changer l'heure. Hein? Il va faire clair tard. Ouais. Donc, c'est une superbe soirée qui s'annonce. Restez sur, à l'affût d'ici. On ne sait pas encore c'est qui le groupe, évidemment, parce que c'est une soirée cachée. Et voilà, donc à l'émission du matin. Le 13. On va le dévoiler. Tu peux dire Assemblage requis. L'émission du matin. Ouais. Assemblage requis. Aka. Assemblage requis. Aka. Aka. Aka. Donc, oui, c'est ça. Bref, tout ça pour faire une histoire très longue pour un rien. On est allé à Québec. Je suis allé chercher le permis de réunion puisque maintenant, alcool, il y a de l'alcool. Oui, c'est ça. C'est une réunion de gens à un endroit. Tout à fait. Oui. Donc, on. Voilà. Et puis, le monsieur était si blasé. T'sais, il nous a pas dit un mot, puis dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend mon formulaire, puis là, il le retape dans l'ordi. Ah, OK. Pis là, ça ressemblait un peu à, genre, je te dis rien, là. Ouais. Je tape, là, il me pose une question, je réponds. Ouais. Finalement, ça, c'est fini. Il dit, t'as toute ta carte de crédit. OK. Je fais, ouais. Parce que c'est ça, dans le fond, faut payer. Oui. Finalement, je fais, je peux-tu payer débit? Ouais. Et, il m'a fait payer. C'est les trois seules phrases, là, ça fait deux. Parce que après ça, quand on a quitté, il y avait un bureau à peu près grand comme le studio là, pour vous. 3 mètres cubes, mettons. C'est ça. C'est ça. Oui, exactement. Ouais. Et puis là, je me demandais s'il fallait que je laisse sa porte ouverte. Fait que là, tu sais, plein de bonne foi, je dis, tu sais, monsieur, est-ce que vous voulez que je vous laisse la porte ouverte? S'il vous plaît. Ah! J'étais tellement phrase. Ouais. C'est plusieurs mots, c'est un mot composé. J'étais tellement désillusionné, il fallait prendre un ascenseur en plus. Fait que là, super awkward quand tu payes sur le bouton puis t'attends puis le gars te regarde. Non! Heureusement, il était là, live là. Puis j'étais devant voir. Ce gars-là, il est si triste là. Ah, oh, sa vie est plate à mort. Ouais. Imagine. Ouais, fait que. Retaper sur l'ordinateur une feuille que t'as remplie à la main, là, pourquoi il n'y a pas un accès à un poste d'ordinateur où tu pourrais le taper toi-même puis éliminer un poste? Oups, c'est vrai. Mais c'est que le pire, c'est que. Tu sais, c'est un peu comme quand tu remplis ton formulaire de passeport. Ouais. C'est un document un peu. Un PDF, mais comme interactif. Là. Je sais pas comment ça s'appelle. Les cases, là, fait que moi, j'ai déjà tout tapé, mes informations, puis je l'ai imprimé. Puis lui, il faut qu'il le retape. Mais ce qui est pire encore, là, c'est quand t'appelles, mettons, à une ligne, tu sais... érotique. Mettons, une ligne érotique, oui. Mettons, puis là, tu demandes ton numéro de téléphone, fait que tu tapes tout ça, là, ton numéro de carte de crédit, puis tout t'as ça. T'as pas ça, tu leur demandes. Tu leur demandes quand le gars, il répond, là. Ben regarde, oui. C'est quoi, t'as pas compris, là? Ça sert à rien, c'est des fraudeurs. N'importe quoi. Il voulait être bien sûr. Ouais. Double verification. Double verify. Prop. Je le fais tout le temps, puis à chaque fois, je me dis, c'est pas moi qui fais ça. C'est pas tellement toi, c'est tu incarnes François-Olivier Marchand dans ta personne. Ça vient d'en haut. J'ai trouvé quelque chose d'autre à mon image. Ouais. Puis on va arrêter de faire comme si t'étais mort, François. Floss, brosse tes dents. Flush. Tu pourrais comme insérer des phrases, genre pour les jeunes enfants qui nous écoutent. Et qui veulent que tu leur éduques, que tu leur apprennes comment flusher. Flush. Brosse. Tes dents. Mange tes céréales. Torche. Fais le ménage, ramasse-toi. Mouche. Oui, quand t'as le rhume. Squeak. Quand tu fais des. Non, les relations sexuelles, c'est plus tard dans la vie, c'est vrai. Ah, ou quand tu te passes le Q-tip. Ça fait plus, c'est plus waka. Si tu mets ton doigt dans ton oreille, ça fait, quand tu fais ça, ça fait waka. Comme Pac-Man. Coupe. Quand tu trimes, quand t'es un Hairy Baby. Oui. Tu peux faire aussi chop. Quand tu tranches de la salade. Ouais. Tu sais, quand t'as 5 ans, là. Ouais. Puis là, ta mère t'a dit, mets avant la pâte, puis là, tu coupes la salade. C'est tellement simple. Hey, j'ai coupé des légumes hier, c'était rare que je faisais ça. J'ai coupé des légumes. Okay. Ça n'a pas l'air. Ouais. Coupé de l'ail. C'est fun. Moi, je pensais qu'on aurait le temps pour une autre pièce dans l'heure, mais finalement, on va retourner en pause. Ah, bon, d'accord. C'est ma faute. Non, trop d'anecdotes. On a trop de plaisir. Oui, trop de plaisir. Trop de plaisir avec des gens agréables. Ah, ben, c'est le, le gars de la régie. Je pense que tu parlais de moi. Mais là, c'est parce que c'était ironique. Ça apparaissait peut-être pas dans mon ton de voix. Hey, on devrait se partir à la place d'une ligne érotique, une ligne ironique. Je vous envoie des commentaires sarcastiques et ironiques. Ah, c'est bon, on a un succès dans la boîte. Restez là. On retourne à la chronique d'Anne-Julie Durocher et aussi Kiwan, La Liberté et Alexandre Carignan. Tout ce bon monde-là dans la deuxième heure. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. La deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 5 mars 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Et Mathieu Plante. On est toujours en direct des studios C'est fou à Trois-Rivières. Oh oui, oh oui, oh oui. Certes. Ça n'arrêtera jamais. N'arrête jamais. Assemblage requis. Assemblage pour ta chose. Donc, dans la deuxième heure, on va avoir Alexandra Carignan, sa chronique Le Temps d'une culture. Ça s'en vient dans quelques minutes. Après ça, Angélie Durocher va être avec nous à 8h30 pour sa chronique L'Index. Et puis, vers les 8h40-45, Kiwan La Liberté, Kiwan en cavale. Mm-hmm. Tu levais le doigt pour quoi, non? Tu voulais parler? Vers le ciel, tu pointais le ciel. Oui. Un mot. Sun comme. Squick, squick. Squick, squick. Donc, c'est... Alexandra Carignan. Pause. On y reviendra. Pour l'instant, on écoute une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Et si tu veux bien m'aider à taper des mains, Jean-Philippe, parce qu'on va entendre Put Me On de Diamond Rings. Attends, je suis pas sûr. Non. Maudit que je suis pas bon. T'es pas synchronisé, Mathieu Plante. Oh! Là, je l'ai. Coup de théâtre. Put me on, put me on, come on. Put me on. Hold me in your arms until La nouvelle entrée de Diamond Rings, Put Me On, c'est le troisième extrait de son album Three Dimensional. Je sais qu'on avait eu I'm Just Me et Runaway Love dans le temps, donc voilà. C'est très bon. Ça continue dans le même thème, finalement, ça ressemble vraiment à du Diamond Rings, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Rien de nouveau. Par contre, ce qu'il y a de nouveau, c'est toujours dans le domaine de la culture, il se passe plein de nouvelles choses, des choses intéressantes, des choses qu'il faut savoir pour avoir un petit peu de culture, parce que moi, je considère que j'en ai comme pas même. Pas de réaction à ça du tout. Non. Je voulais te laisser te débrouiller là-dessus. Merci, tu fais bien. Mm-hmm. Je vais partir des trois à la place. Faisons ça. Voici le temps d'une culture. Et Alexandra Carignan est avec nous. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien. Vous? Très, très bien. En forme redoutable. Redoutable. Moi, ouais, pas redoutable, mais je suis en forme. OK. Puis redoutable, ça veut-tu dire que je doute de toi une autre fois? Songer quand même. Oui, ouais, laisse-moi y penser. Alex est avec nous le lundi d'habitude. Là, on est le mardi aujourd'hui. J'ai choqué mon lundi. Tellement. Hein? Parce qu'il y avait la cuie en cette semaine. Mais t'as bien fait parce que ça nous fait un chroniqueur par jour de la façon qu'on a réussi à organiser ça. C'était tellement voulu. C'est merveilleux. On est très heureux de t'avoir aujourd'hui. Et de quoi on parle? On va parler de trois choses. Je vais essayer de wrap-upper ça le plus rapidement possible. Prends le temps que tu veux. Premièrement, on va parler du spectacle de Damien Robitaille qui a eu lieu jeudi dernier à la Maison de la Culture. Deuxièmement, on va parler de la cuie. Ben oui, retour. Justement, qui s'est passé, le retour sur ce grand événement qui avait lieu à l'UQTR. Et troisièmement, pour les filles, on va parler de Cosmo, Choco et Talon Haut qui va avoir lieu ce jeudi au Mondo Bar. Mundo. Alors, premièrement, le spectacle de Damien Robitaille. Il était en spectacle à la salle Anaïs Alain-Rousseau ce jeudi. J'ai fait l'erreur d'arriver en retard et je n'avais plus de place. Ah, oh, ben non, vraiment. Mais en fait, c'est que, bon, salle Anaïs Alain-Rousseau, c'est des places déterminées. Ouais. C'était sold out. Damien Robitaille avait réussi à fouler la salle et je suis arrivée trop tard. Il y a quelqu'un qui avait piqué ma place et le siège qui m'était maintenant attribué était au milieu de la rangée. Bon, moi, ils t'en ont donné un autre. Ah non, je suis restée debout. Mais c'est pas grave. Ah, okay. Mais c'est pas... Il y avait vraiment plus de place. D'habitude, je m'en vais en haut dans le coin, là. Mais non, là, c'était full. Ben écoute, j'ai écouté le spectacle pareil, ça valait la peine. Il y avait beaucoup de monde. Moyenne d'âge un petit peu élevée. Mais c'est pas grave, écoute. Pour vrai, ça me surprend quand même, ça sonne jeune, ça ben, sonne pas oui, vraiment inquiétant. Mais écoutez, c'est quand même, pour son dernier CD, là, il s'est donné un style Michel Louvain assumé. Ah! Oh. Je dis ça de même, ça a peut-être eu un impact sur ses fans. Mais il y avait des jeunes aussi, il n'y a pas de problème, là, mais il y en avait beaucoup de quand même assez vieux. Faut dire que l'album, son troisième album, Omniprésent, n'a pas eu une très chaude critique, même ici dans le... Ceux qui l'aimaient avant, cette fois-ci, ils ont tendance à moins aimer. Moi, mettons... je l'ai pas aimé. Moi, je l'ai pas aimé. Maxime Taguay non plus. Maxime Taguay non plus. C'est pas un truc de couple. Non. On sait pas... Pas de chicane dans la cabane? Ben, en fait, dans mon article, Marc, là... critique mitigée. J'ai fait mes recherches, j'ai regardé les critiques, c'était juste nous autres qui étaient bizarres. Non, c'est plusieurs critiques qui trouvent que son dernier album est un petit peu mollo, moins de textes. C'est très recherché, là. Ces jeux de mots, ces rimes en fait, étaient vraiment le fun. Écoute, avec son premier album, L'homme que je suis, on a sorti des bonnes tunes comme Porc épique, L'astronaute, qui me fait tout le temps pleurer en l'écoutant tellement elle est lourde d'émotions. Avec, en fait, avec son deuxième album, Homme autonome, on a réussi à avoir il a développé un personnage charmeur qui est très efficace. Il tanguait vers le crooner, là. En fait, à la base, Homme autonome, ça avait l'air d'un pouilleux, là, qui gratte sa guitare. Ouais. Il y avait une transformation, là. Je sais pas s'il est passé à Canal Vie entre-temps, là. C'est rendu. Mais écoute, il s'est rendu en tabarouette. Je me suis fait acheter une tête d'oreiller. Je dors sur, en tout cas, Damien Robitaille avec une signature qui est plein d'amour, étendue sur un tapis. Wow. Bon, bref, ça m'a fait vraiment rire qu'il y ait ça, puis j'ai acheté. Et c'est ça, il s'est découvert un personnage très crooner, mais il a pas laissé pour autant les textes recherchés de côté. Il y a des beaux textes qui sont là, des belles mélodies. Et les chansons qui sont, pour le dire, niaiseuses, sont quand même très accrochantes et ont des beaux textes aussi. Mot de passe, là, c'est de la belle poésie. Oui, c'est niaiseux. C'est... Quel est le mot de passe pour... C'est ça. Ça fait... On est nés nus, tu sais, c'est niaiseux. Et on est morts vêtus. C'est ça. Je me rappelle des paroles. C'est ça, mais c'est quand même... C'est des beaux textes. Et ça a beau être... j'ai plein d'amour à donner, là. On la chante toutes, puis on est normalement toutes contentes de donner de l'amour, ouais. Tu sais. Pour ce qui est du troisième album, Omniprésent, il s'est donné un petit côté un peu plus... hey, on est à Miami, là. Ça marche pas. Il y a comme des drôles de rythmes, là, des rythmes de ma tante, comme dirait Maxime Tanguy. C'est vrai, ouais. On dirait que mon... Maxime Tanguy disait... on dirait que mon oncle a fait son CD dans son sous-sol, là, avec ses sons midi. Faudrait pas commencer par cet album-là, parce que tu vas faire comme... C'est pas pour moi. Non, c'est ça. Il y a de très bonnes tunes. Moi, Serpent et Échelle, là, et Ta maman Mamadou, qu'on va aller voir tantôt, je l'adore. Mais c'est très difficile de d'écouter l'album, puis de faire... T'es pas aussi satisfait que Homme autonome. Et personnellement, si j'avais pas demandé un billet gratuit pour faire en tant que journaliste, j'aurais peut-être pas payé. Ouais. Mais ça valait la peine parce que Damien Robitaille, album pas bon ou bon là, c'est un charmeur, c'est un one man show et il te livre la marchandise même s'il n'est pas assez date. Écoute, c'était un spectacle là, qui était vraiment bon. La première partie était dédiée à son nouvel album. Donc, il y avait sa chemise à fleurs, son petit chapeau de paille. Il y avait aussi des lumières un petit peu qui faisaient penser à croisière, mm-hmm. En haut complètement. Des hélices d'avion en arrière qui s'illuminaient. Il y avait un beau décor. Et il y avait un musicien de plus, soit un musicien aux percussions exotiques. Donc, il y avait des petits... Ouais. Il y a même un solo de cubain, là, il chantait en cubain. Mais c'était drôle, tu sais, ça, c'était super bon, puis on dansait, puis on chantait, puis c'était agréable. La deuxième partie est un peu plus sobre, c'était les jeux de lumière plus normaux là, qu'on peut retrouver dans les spectacles scéniques de tous les jours. Là. Mm-hmm. Et là, il est revenu avec ses anciens hits. Il a même revisité certains, dont Porc-épic, à savoir haïtienne, en l'honneur d'un documentaire qu'il a fait là-bas. Il a repris aussi Casse-tête, Homme autonome, Je tombe, de son premier album, et On est né nu. Bref, c'était bon. C'est sûr que le monde a plus peut-être embarqué avec les anciennes chansons. Les petites malades Michel Louvain chantaient les belles bénévoles, là, et ainsi de suite. Mais c'était quand même... Je pense que tout le monde a été content parce que c'est un performeur. Et sur scène, il est bon, on l'aime. Sur ce, on va aller écouter un extrait de son dernier album qui est bon. Donc, si vous faites, ben voyons, elle est donc bien dure, c'est bon. C'est bon. Ta maman Mamadou, je l'adore. Alors, Ta maman Mamadou. Les pupilles, telle mère, telle fille, ça va me faire une belle famille. Et c'est ta maman Mamadou de Damien Robitaille qui est un extrait de son dernier album Omniprésent qui, ben, peut-être que je l'ai plus aimé avec le spectacle, ouais. Tu sais, dans le fond, là, ça arrive des fois, là. Ben, ça se peut que, ben, j'aime quand même pas les tunes genre Belle Bénévole, Bien Exotique, là. Mm-hmm. Mais, je pense que j'ai fait un petit peu plus la paix avec Damien Robitaille. Ouais. Tu regrettes pas le spectacle d'y être allé, mais tu recommanderais pas nécessairement aux gens d'aller rapidement. Je recommande. Non, mais le spectacle, je le recommanderais. Le okay. CD, par exemple, non. Okay. Je recommanderais aller vous acheter Homme Autonome. Vous allez trouver ça bien bon. Superbe. Alors, aspect numéro 2 de ma chronique, la QI, la Coupe universitaire d'improvisation qui s'est passée en fin de semaine entre la chasse et le 10-12. Oui, le plateau C'était A et le plateau le B. Le plateau oui. A et le plateau B, exactement. En fait, là, pour faire un bref résumé, là, la Coupe universitaire d'improvisation, c'est un regroupement de toutes les ligues d'improvisation du Canada qui vont à l'université, en fait. Mm-hmm. Alors, on en avait, en fait, d'Ottawa. Donc, en dehors du Québec, il y avait Ottawa et Moncton. Nouveau-Brunswick. Oui, exactement. Au Nouveau-Brunswick. Normalement, on a Saint-Boniface, mais cette année, il n'y avait pas les moyens de venir. Saint-Boniface au Manitoba et non pas à côté de Shawinigan. Sur le taxi, c'est sur le gaz. Mais c'est ça. En fait, d'habitude, au Manitoba, ils viennent, mais cette année, ils ont. Ben, c'est sûr que c'est pas facile d'avoir des financements, hein, parce que, bon. T'es pas tant dans un milieu francophone. Non, c'est ça. Alors, on avait quand même plus. On avait 12 ligues d'improvisation. Toutes avec des noms plus bizarres les uns que les autres. Hey, la Licum, la Ludique, la Licucam, la. La Floc en Floc. La Floc en Floc. Mais c'est ça, c'est vraiment. C'était vraiment le fun. C'était fait sous forme de tournoi. T'avais le pool A, le pool B. Les équipes s'affrontaient pour finalement aller en demi-finale. Faut dire que la Luître. C'est quand même rendu en finale. Bravo. Et c'est pas parce qu'elle était à la maison. Parce que d'habitude, les ligues sont à la maison. Ils ont un avantage. Évidemment, ils ont un avantage parce que leur public est quand même là. Ouais. Écoutez, public à la maison ou pas à la maison, la Luître a été tellement bonne et elle a gagné tous ses matchs. L'année passée, à la QI, on s'était rendu en finale et on l'avait peut-être pas mérité. Ah. Parce que en demi-finale, moi j'étais là, j'étais dans l'équipe. Okay. En demi-finale, notre dernière impro. Elle était moins bonne que celle de la Lui. Mais on avait du public. Fait qu'on a passé en finale. Mais on était bon. C'était rendu là, puis avec raison. Mais là, qui était dans l'équipe cette année? Et là, cette année, écoutez, c'était des bébés. Des petits nouveaux? Il y en avait juste un qui avait fait la QI une fois. Okay. Et c'était Alex Drouin. Donc, Alex Drouin. Bon. Il y avait Élodie Mongrain, des Rouges. Elle est excellente. Juliane Pelletier, des Bleus. Et Francis, pas « et », mais il y a Francis Sasseville aussi, des Oranges, qui, bon, on va se le dire, là, un dieu. C'est un dieu d'impro. En fait, dans le tournoi, là, au complet, je crois que c'est lui qui était... il aurait mérité joueur du tournoi, selon moi. OK. Et il y avait finalement Jean-René Cocotte-Boutin. Ben oui! Cocotte-Boutin. Le co-animateur dans deux périodes, les lundis. Exactement, le co-animateur. Il était le capitaine, d'ailleurs, de l'équipe. C'était une équipe super efficace. Ah oui, Antoine Lacasse aussi. Oui, puis ça m'excuse c'est tellement, Antoine. Il y a des noms que je reconnais moins. Il me faudrait des photos dans ma face pour les reconnaître. J'ai l'habitude d'avoir quatre ou cinq personnes. Là, il y avait six personnes dans l'équipe. Antoine Lacasse, excuse-moi. Alors, c'était une équipe qui était très performante, des joueurs solides. Oui, ils sont nouveaux à la Luître, mais ils ont fait de l'improvisation. Ils ont de l'improvisation derrière la cravate. Ouais. Francis Sasseville joue à la Limonade. Antoine, c'est où, ça? La Limonade, c'est à Montréal, puis c'est la deuxième plus grande ligue. T'as la Lime, mettons la LNI, la Lime, la Limonade. OK. Il est bon. Alors, c'était une bonne équipe. Ils se sont rendus en finale. Ils ont perdu contre la Ludique. Qui est de l'U de M, en fait. Et écoute, ils ont perdu, puis c'est correct. La Ludique était très performante. Ça a été un espèce de beau match, là. Une très belle finale. La QI, au complet, là, ça a été un très bel événement qui s'est passé. Tout s'est bien passé. On avait des belles équipes, une bonne chimie, à part quand que la Ludique, c'est... Tous les jours, l'alarme, ne t'en fais pas avec ça. OK, parfait. Il y a 8h24, tout le temps. Quand la Ludique a affronté la Licucam en quart de finale, aïe, ça s'est tapé dessus en tabarouette. Violent! Tu sais, l'UDM et Licucam, en partant... Les deux universités de Montréal... C'est ça, ils s'aiment pas à face. Ouais. Fait que ça a été beau. En fait, c'est drôle parce que sur les deux plateaux, les quarts de finale, t'avais la Ludique et Licucam. Et de l'autre bord, ça avait la Limule et la Lui, qui sont tous les deux de l'Université Laval. Okay. Fait que c'était, il y a deux ligues dans la même université. Oui, il y a deux ligues dans la même université. En fait, c'est que t'as la... T'as la Lui, qui malheureusement, en fait, à l'Université Laval, t'as un grand bassin de joueurs. La Lui, ils se faisaient pas tout prendre, fait qu'ils ont décidé de créer la Limule, la Ligue d'improvisation marginale à l'Université Laval. C'est comme l'OFF. Ouais, c'est comme l'OFF, puis finalement, ouais. C'est devenu une équipe à part entière, là, qui... En bas, t'as la Limule, puis en haut, t'as la Lui. Ils sont maintenant rendus un à côté de l'autre. Là. Mais d'avoir toute une rivalité, ça doit. Hein? Ben, en fait, plus ou moins. Puis d'ailleurs, ce couple, la Lui a voté pour la Limule en tant qu'équipe sympathique. T'sais, c'est le fun. Ils n'ont pas une aussi grande rivalité que la LUCAM et la Ludic de l'U2M. Mais c'est quand même... D'ailleurs, la LACI, elle est à l'UQAM. La LACI, c'est la Ligue d'improvisation d'un programme de récréo. Mais c'est pas récréo, mais c'est loisir. Animation culturelle. Exactement. Animation culturelle. C'est ça. La Ligue d'animation culturelle d'improvisation. Tellement d'acronymes! Dans le fond, c'est un... C'est comme si récréo se partait une ligue d'impro, là, parce qu'ils ont assez de bassin de joueurs pour faire ça. Ouais. Fait que c'est la CFC venait de l'UQAM, là. Donc, c'était quand même très intéressant. On en a vu de toutes les couleurs et de tous les styles, hein, parce qu'on va se dire, l'Université de Moncton, c'est pas la même chose que Trois-Rivières. Ben, c'était super bon. C'était organisé, entre autres, par Maxime Tanguay, il faut le dire. Principalement par Maxime Principalement. Tanguay. Il y a eu de la misère à déléguer, puis il a tout fait, mais il a bien fait. Puis, écoute, on a eu juste des bons commentaires. Ça l'a très bien été. Ton fond fait tellement moins bien avec l'alarme en arrière, je trouve. On dirait vraiment du Caravan Palace. Ça, c'est parce qu'on vole des auditeurs aux autres chaînes. Marina, c'est rouge. Non, mais c'est rouge comme dans les auditeurs. Ça, c'est le nom de l'autre station, on l'a dit pas. C'est comme quand t'as plus d'essence. OK, dans le rouge. Marina dans le rouge. Oui. Ça, on pourrait être poursuivi pour diffamation, puis on va arrêter là. Alors, c'était ça pour la Q. Merci. Oui. Si vous voulez voir de l'improvisation, il y en a ce soir à la LIM, donc la Ligue d'improvisation mauricienne. Ce sont les jaunes qui affrontent les oranges. Ça va être drôle, parce que les oranges et les jaunes, c'est les deux équipes. Comme des petits poulets. Oui. Pas de tête. Ça va être très, très bon. Et n'oubliez pas non plus la Luître, même si on n'est pas lundi en ce moment. La Luître, bon, elle a pris relâche cette semaine à cause de la Q, mais aussi parce que ça relâche. On n'aura pas de public. Ben oui. Elle va revenir lundi prochain avec, je sais pas qui joue contre qui, là. Je me suis offé la Luître. Deux équipes de couleurs différentes. Deux équipes de couleurs différentes qui s'affrontent à la chasse-galerie. Avec et un oui, arbitre. Un arbitre. Noir et blanc. Oui. Il vit dans le passé, c'est comme les années 50, il est noir et blanc. Je vais prendre les 4 petites minutes qui me restent pour vous parler de Cosmo Choco et Talon Haut qui aura lieu ce 7 mars, soit jeudi prochain à 6h au Mondo Resto Bar, donc au 3e étage, je pense. Là. S'il y en a un 3e, en tout cas au plus haut étage du Mondo. Allez en haut du Mondo, là, allez sur en toi, haut, là. Mais je pense qu'il y a un 3e. Ouais. Alors, ça va se passer là. C'est une soirée de filles. Testicules, ne franchissez pas cette porte. C'est vraiment pour les filles. À la place de nos fatties, on va dire nos testies. Nos testies. Est-ce que c'est pour la journée de la femme? Est-ce que non, c'est une initiative qui a été faite déjà à 3 reprises à Shawinigan et aussi à Thetford Mines. C'est des filles de la région. T'as qui encore ont... du testicule, le test for Mines. Thetford Mines. Testicle Mines. elles ont fait, c'est la 3e édition de cet événement-là. On leur a demandé d'en faire en Trois-Rivières parce que c'était donc bien le fun. C'est deux filles de la région qui ont écrit des livres, d'ailleurs. Je pense que Julie Normandin a écrit « Ma revanche sur Cendrillon ». Des espèces de livres un peu à la Raphaël Germain, là. Concombre. Raphaël Germain. Attends, ouais, c'est quoi, non? Gin tonic et concombre. T'es tellement une fille. T'es tellement une fille. Ben, en tout cas, c'est bien bon. C'est un compliment. Et en fait, c'est ça. C'est que là, leur but, c'est de faire une soirée totalement aux filles. Une espèce de salon du livre, mais salon de la fille. Ouais. Alors, t'as une dizaine de kiosques qui vont être sur place, de bijoux, de fantasia, de coiffure, de maquillage, esthétique, sexologue, Tupperware, spa beauté, confiserie aussi. Ouh. Ça va être fou. Et tu sais, en fait, si tu portes tes talons hauts puis du rose, t'as de la chance de gagner des prix supplémentaires. Ils vont amener, en fait, ils vont pouvoir tirer des prix. Ça va être vraiment le fun. On va tout se le dire. C'est vraiment là une soirée où est-ce que tu fais tes ongles puis tu sais, tu penses pas à l'avenir politique du Québec. Là. Non, non, non. Est-ce que tu peux amener des épisodes de Gossip Girl? Pis, ah oui, c'est clair que j'en sais. on va tout se jaser parce que là, on sait c'est qui la Gossip Girl. Là, oui. La finale est arrivée. Ah. En tout cas, je vous spoilerai pas, mais je l'avais pas vu venir. Ben celle-là. Non, c'était pas très crédible. Je pense que ça se pouvait pas vraiment si tu regardes en arrière les épisodes. Ça se ah, ben comme... oui, en fait. Parce que l'as-tu écouté? Non, bon. Mais. Ben, il fait un recap puis il explique tout. Ah ouais. Bon. OK, c'est intriguant quand même. Sur okay. Ça, c'est vraiment un bon événement. C'est 7$ à l'entrée. Et d'après moi, là, vous allez avoir plein de free stuff une fois rentré. Ça vaut la peine. Moi, j'amène mes talons hauts, ma belle robe. Et je vais être là avec mes chums de filles. Comme dirait... Comme Marie-Chantal. Marie-Chantal Toupin. Et Marie Norcy. Et Marie Norcy. Alors, cette semaine, jeudi le 7 mars, 7$ à l'entrée au Mondo Resto Bar. Cosmo Choco et Talon. Ça, c'est le restaurant où les sushis sont pas chers. Le mercredi? Ouais, le mercredi, ouais. Sushis sont bons en plus. Oh yeah! Merci. Hein. Non, on n'est pas mercredi. On n'est pas mercredi, c'est demain. Merci, Alexandra Carignan. Ça me fait plaisir. Désolé pour l'alarme en arrière. C'est ça qui est le fun. Les conditions d'animation ici sont... Les conditions. Écoute, ça me dérange pas. Ça a juste pris une demi-heure avec l'éteint. Ouais. Ouais, comme d'habitude. C'est pas long, c'est une demi-heure. Le temps qu'ils reçoivent le page. Ça passe vite, une demi-heure. Ben oui. On fait une belle chronique avec la musique. J'ai fait une demi-heure de chronique, ça passe vite. C'est merveilleux. Merci, Alexandra. Ça me fait plaisir. Tu fais bien ton travail. Mais ouais. Nous, qu'est-ce qu'on va faire, Mathieu, le 7? Le 7? Manger ah oui, parce des que ailes de poulet en checkant. Ah ouais, on ira aux ailes piquantes. Oh yeah! Oh yeah. On enverra les femmes en haut, puis en se grattant à l'autre les chose. Les femmes au mando, les hommes aux ailes. Ouais. No testes. No te... Oui, mais là, ça va être... Just testes. Just testes, no boobies. Ah, no boobies. Voilà pour le temps d'une culture. On se retrouve lundi prochain à 8h. Voilà. J'aime ça finir la chronique sérieusement après avoir parlé de boobies et de testes. Testes. One, deux, testes. One, deux, un, deux. One, deux. C'est drôle. Mando. Mando. Testes. Veux-tu l'acheter cette piquante? Non, je m'accroche. Ils sont tellement piquantes. Piquantes. Dans quelques minutes, la chronique d'Anne-Julie Durocher, l'index. Mais pour l'instant, on écoute une nouvelle pièce du palmarès anglophone. On a beaucoup cette semaine. Aujourd'hui, en fait, je vous l'ai fait jouer. C'est The Bicycles. Voici Appalachian Mountain Station. Sur C'est fou, dans vos oreilles. Ouh, dans le désert de Trois-Rivières. Appalachian Mountain Station. Ça fait longtemps qu'il n'a pas servi mon index. Je pense que je vais devoir le dégourdir. C'est quoi, c'est une perdrix, ça? C'est ton index qui se déplie. Ah, je savais pas qui. Je peux-tu y parler? Je peux-tu poser une question? Oui. Comment ça va, Index? Wouhou! Ça va! Rassemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à Assemblage requis. On est en onde toute la semaine de relâche avec nos plus fidèles collaborateurs. Stéphanie Paradis nous parlera du plus récent numéro du journal Zone Campus et on célébrera le retour de Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique cinéma. C'est demain matin, 7h à Assemblage requis. Soyez-y! Qu'est-ce que tu as dit tantôt? Tu as dit genre de la publicité pour toi aujourd'hui. C'était drôle, tu devrais la faire. En ce moment. Parce que je voulais pas dire aujourd'hui, ouais. On fait pas juste ça. Mais là, on n'est plus en pub, ça marche pas. Non. Raté. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Il est 8h36 minutes. Tout à l'heure, plus tard à l'émission, on aura Kiwan en cavale. Faut rester là pour ça. C'est la chronique musicale de Kiwan à Liberté. Mais avant ça, elle arrive et on se demande encore. Tant peu. Qu'est-ce que c'est ça? Angie Durocher? Qu'est-ce qu'elle fait là? On est content de la voir. C'est comme une genre de pin, mais pas pin, dans le fond. Ouais. C'est comme pour dire que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Mais oui. Mais qu'on t'apprécie quand t'es là. Oh, mais merci. C'est ça que mais je me sens full mal en plus. Mais non, c'est pas parce que je dis ça que j'ai full pas été là cette session-ci. C'est pas grave. Quand t'es là, par contre, tu fais bien ça. Ah, oh, mais c'est gentil. Tu sais? Bon. Donc, c'est l'index qu'on s'insère et que ça fait longtemps qu'on n'a pas mis, donc ça va être. Ça va être douloureux. Moi, je sais. Tiens, pointe du doigt. Un index qui réveille. Wouh! Surprise! Une toute petite voix. Dis-moi pas qu'en appelant ta chronique l'index, tu t'attendais pas à ce genre de blague-là une fois de temps en temps. Non, je m'y attendais vraiment pas pour vrai, mais là, ça, mon thème et le nom de ma chronique vient de changer. Instantanément? Oui. OK. Bon. De quoi on parle aujourd'hui, Angie? On va parler du court-métrage Henri de Yann Englen. Oh, nominé aux Oscars et tout et tout? Et tout et tout. On va parler de ça. Cool. J'étais censée vous en parler comme après les Oscars, mais vu que j'étais malade, je suis pas venue. Fait que je vais vous en parler là. Ça reste pertinent parce que les gens, une fois que la cérémonie des Oscars est là, c'est là qu'ils prennent l'envie de mettre le doigt dans le trou du DVD. Oui. Wink. Ben moi, je veux dire mettre le doigt sur le clavier, okay. Aller l'écouter sur tout.tv. Ah, sans blague, hein? Ben oui, comme cool. Ça. Aussi facile. Facile demain. Mais ouais, fait que je vous parle de ça. Donc, Henri, vous en avez sûrement entendu parler, là, en fait, là, dans les différents médias, étant donné que, bon, ça a été nominé aux Oscars et que c'est une production québécoise. Henri a été présenté en première mondiale en août 2011 au Rhode Island International Film Festival et met en vedette Gérard Poirier et Marie Tifot. En fait, là, c'est un court-métrage d'une vingtaine de minutes qui est basé sur la vie, en fait, du grand-père du réalisateur. Donc, le roi d'Angleterre. Parce qu'Yann Englen, j'imagine, c'est son grand-père, c'est le roi d'Angleterre. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il s'appelle Henri, le court-métrage. Mais non, mais son grand-père s'appelait pas Henri. Non. J'ai vu son nom, je l'oublie, mais c'est pas Henri. Fait que c'est ça. Donc, il traite, en fait, là, de la maladie d'Alzheimer. Puis, ben, le court-métrage. Il raconte l'histoire d'un pianiste qui doit composer avec la disparition mystérieuse de sa femme. Ce qu'il faut comprendre aussi, là, c'est que Henri a été entièrement autofinancier et a en fait bénéficié là, du travail de plusieurs bénévoles et d'artisans et d'acteurs. Puis c'est ce qui a permis, entre autres, la reconnaissance de la part de l'Académie. Donc, le court-métrage québécois en fait, a été en nomination à la 85e cérémonie des Oscars dans la catégorie meilleur court-métrage de fiction. Puis, mais finalement, il n'a pas gagné. Non. Non, c'est Curfew qui a été préféré à l'œuvre d'Henri. Mais tout de même, d'être nominé aux Oscars, c'est quand même... Ça fait toujours plaisir. C'est ça, c'est quand même quelque chose. Là, et je disais que Yann Englen a habité en fait 5 ans en Californie et n'a jamais voulu... Il n'est pas vieux. Non, il n'est pas vieux. Hein? Il a habité 5 ans, je ne sais pas. Il a habité 5 ans, puis... en Californie, puis il n'a jamais voulu graver les marches du... Kodak Theater? Ouais, c'est ça. Que je sais qu'il a changé de nom, là, puis là, j'oublie, mais avant, c'était Kodak Theater. Oui. Qui a changé de nom, mais il n'a jamais voulu graver les marches par superstition. Et là, cet enfant, c'était la première fois qu'il gravissait les marches. Lors de la cérémonie des Oscars. Donc, le sujet, bon, là, je l'ai dit, là, ça part de l'Alzheimer. Donc, c'est un sujet qui est quand même lourd. mais son traitement ne l'est pas. C'est excessivement bien fait. Ian England, en fait, a traduit justement la confusion puis la détérioration physique là, du personnage, mais à travers vraiment une mise en scène et un montage qui est tellement dynamique et stylisé, c'est un sujet qui est lourd, qui n'est pas évident, mais c'est tellement bien traité. Vous allez passer par une gamme d'émotions vraiment en 21 minutes. Là, ça dure 21 minutes et 35 secondes, si je ne me trompe pas. Et c'est merveilleusement bien fait. Je vous invite en fait là, à le voir. C'est pas plus long que ça. Allez le voir, ça vaut la peine. Vous êtes en semaine de relâche, fait que vous avez juste à faire écouter des séries. Vous avez 20 minutes à quelque part là-dedans. Là. Mais oui, c'est ça. En mangeant des céréales. Mais oui, le matin, mettez ça. Mais moi, le pire, c'est que c'est comme ça. Je voulais aller écouter Les Tudors, parce que je vous en ai déjà parlé de mon amour de la série Les Tudors. Et je m'en allais écouter ça en mangeant, en soupant. Et j'ai vu qu'Henri était sur Tout.tv. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas l'écouter? Et ça vaut la peine, prenez le temps. Puis vous pouvez aussi réécouter mes chroniques. Vrai? Pour savoir quelle série écouter pendant votre semaine de relâche. Vous pouvez aller sur assemblagerequis.com, télécharger les émissions du mardi. Oui. La chronique est vers les d'habitude 8h30, pas mal. Mais à l'automne dernier, à l'automne, c'était le mercredi. Tout à fait. Fait que mercredi à l'automne, le mardi à l'hiver. Puis allez écouter ça, vous allez avoir plein de suggestions de séries à écouter pendant votre semaine de relâche entre vos travaux et vos études, bien entendu. C'est merveilleux ça. Merci Anne-Julie. Est-ce qu'on te retrouve mardi prochain? Ben ça devrait. Je devrais vous parler de quinoa. Oh! Quinoa, qui est l'aliment de 2013. Oui, il me semble que ça se mangeait, j'étais pas sûr. C'est un arbre, c'est le séquoia. Assemblage requis, non, ça c'est n'importe quinoa. N'importe quoi. Ça pourrait être aussi un bon nom de jeu de société. Le quinoa. I know. Quinoa. Ou encore l'Arche de Noé. Quinoa, Zark. Ouais. Quinoa. Ouais. Ou le site web de TVA, kenoa.ca. On a fini, je pense. Oui. Qui a mangé une noix? Quinoa. Quinoa mangé. Qui est les noix? C'est du. Qui est les noix? Hein? C'est du haïtien. Quinoa mangé. Tu sais, quinoa mangé. Ouais, ouais. Il fallait que je trouve un. Mais, gardez pour jeu de mots pour la semaine prochaine. Oh, non, oui. Notre chance. C'est une générale. C'est la générale. Ouais. La pratique déguisée. Oui. Fait que gardez ça pour la semaine prochaine, on va en parler. Le mardi prochain à 8h30. Oui. Allez, Rocher. Merci beaucoup encore. Mais merci, ça fait plaisir. On retourne en musique dans quelques minutes. Kiwan en cavale avec Kiwan la liberté en direct de l'Alberta. Donc, Kiwan la liberté. Je l'ai jamais fait encore. C'est bizarre, j'aurais dû. Mais là, c'est fait. Nouvelle entrée de Olinéa. Tu vas être content de l'entendre, Jean-Philippe? Oui. Sur leur album Distraction, voici ta plus belle extorsion. Sur C'est fou. Bon, bonsoir. Je l'aime, cette tune-là. Good! Ton visage nature par-dessus ta connaissance. Ton innocence, ton la plonge sournois. Et ta présence de bourgeois. Magie! Prestidigitation. C'était ta plus belle extorsion d'Olinéa. Nouvel extrait de l'album Distraction. La seule entrée francophone cette semaine dans les palmarès qui ont lieu les jeudis après-midi à 15h. Évidemment, tout le monde va écouter ça. Anne-Julie, tu vas écouter ça, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr. Jean-Philippe aussi. Ouais, ben j'ai pas pu l'écouter. J'étais avec un spectacle. Ah! Mais ça rejoue le vendredi soir à 17h et le lundi à 14h. Donc pas d'excuses. Ah, c'est vrai. C'est bon, hein? Ce sont les plugs. Et amenons un gars qui a du goût, mais qui est en Alberta. Donc, c'est comme ça vient. Il est comme juste correct, finalement. Voici Kiwan en cavale. C'était un peu une pin envers l'Alberta, ça, Kiwan, hein? Ben, c'est correct, c'est la COP. Ben, disons que tu me vantes pas ben cet endroit-là à chaque fois qu'on s'en parle. Ben, c'est dur à vanter l'Alberta, en fait. C'est plat et c'est froid. Ouais, c'est sûr que ça dépend aussi des sujets dont on parle, là. Bon, il y a certains sujets où c'est plus facile de vanter la province, mais certainement pas sur le plan culturel. Non, c'est ça, et politique, et etc., etc. Mais toi, tu réussis à en trouver de la bonne culture canadienne surtout, n'est-ce pas? Oui, mais pas de l'Alberta aujourd'hui. Non, pas d'Alberta spécifiquement du tout. En fait, c'est rare que tu parles vraiment spécifiquement de groupe d'Alberta. Ça arrive. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas parce que j'essaie pas, hein, vraiment. Je reste à l'affût de ce qui se passe ici, des groupes locaux, des spectacles, mais c'est dur. C'est dur d'en trouver qui sont présentables. Ouais. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, j'ai pas d'artiste de l'Alberta, mais par contre, j'ai un style qui est très populaire ici. J'ai un artiste folk, vraiment typiquement folk. C'est pas un artiste canadien, par contre, c'est un artiste américain, en fait, qui vient du Colorado, de Fort Collins, au Colorado, que j'ai découvert lors d'un voyage à Denver l'été dernier. Okay. Et puis, son nom est vraiment très, très accrocheur. En fait, j'ai pas eu le choix, et puis vous allez convenir avec moi que vous avez pas le choix de vous informer sur un artiste. Si vous voyez, par exemple, sur la marquise d'une salle de spectacle, le nom Daniel Ate the Sandwich, avouez que vous allez vouloir avoir des informations. Vous allez chercher ce que c'est. Daniel a mangé le sandwich. Exactement. Donc, c'est quand même un peu farfelu comme nom d'artiste. Son vrai nom, en fait, c'est Daniel Anderson. C'est Daniel au féminin, en fait. Donc, c'est une chanteuse folk. Elle vient du Colorado. Donc, évidemment, c'est dans ses racines, la musique folk. C'est très, très typiquement américain. Mais en même temps, la raison pour laquelle je vous présente, parce que je suis pas un très grand fan là, de musique folk, non, qui tire un peu sur le country. Sauf que je trouve que la petite touche qui rend vraiment la chose différente, c'est que la plupart des mélodies des pièces de Daniel Ate the Sandwich sont faites avec un ukulélé. Oh, comme Pépé. Je trouve que ça amène un petit côté différent à sa musique. Ça amène une petite teinte qui sort un peu de l'ordinaire là, comparativement au country ou folk traditionnel. Sinon, dans la forme, ça reste quand même assez traditionnel, là, surtout aussi dans les paroles. Là, c'est des textes quand même assez simples, inspirés du quotidien, inspirés de la route, du voyage. C'est très américain là, dans les textes. Et moi, je suggère d'écouter la pièce Indiana. C'est une des pièces où on utilise le mieux, je trouve, le ukulélé. Et le texte aussi là, est très, très, très américain, vous allez voir. Parfait, on va entendre ça en ouverture de bloc tout à l'heure. Ensuite, dans un tout autre type, on va vraiment aller aux opposés, là, dans les styles musicaux aujourd'hui. Un groupe que vous connaissez probablement, parce que c'est un groupe qui est installé à Montréal depuis plusieurs années, mais c'est un groupe qui, originalement, s'était formé à Vancouver, le groupe Young Galaxy, oui, qui vont présenter leur quatrième album le 23 avril prochain. Et aujourd'hui, il y a un nouvel extrait qui est disponible sur iTunes, ça s'appelle Fall For You. Le groupe, depuis environ 3 mois, là, à une fois par mois, présenter une nouvelle pièce de l'album. Donc, celle-là, je crois que c'est la troisième. Okay. Et j'imagine qu'il y en aura probablement au début d'avril. Puis ensuite, à la fin d'avril, ce sera l'album au complet qui s'appelle Ultramarine et qui est c'est le quatrième album complet du groupe. Leur dernier album remontait à 2011. Et je crois qu'on en avait joué assez fou. Donc, oui, c'est pour ça que... Oui, hein, donc, oui, c'était sur le palmarès. Si je me rappelle bien, c'était aussi dans le thème aquatique. Est-ce que c'était l'album avec une fille qui se plonge tête première au fond de la mer, là? Oui, exactement. C'est ça. Donc, Ultramarine, ils sont dans le thème nautique ou aquatique. Ouais, pas mal. Vraiment. Donc, voilà pour Young Galaxy. Et encore dans un autre style assez différent, c'est un groupe, je crois, que j'ai même moi-même déjà présenté dans cette chronique-ci, il y a environ 2 ans de ça. Mais j'ai pas le choix de présenter une pièce aujourd'hui. C'est un peu une espèce d'adieu à un groupe que j'adore, un de mes groupes préférés de Vancouver. Le groupe s'appelle Apollo Ghost. J'en ai déjà parlé, j'en ai déjà joué. Et malheureusement, le groupe a fait son spectacle d'adieu samedi dernier à Vancouver. C'est un groupe qui est pourtant assez jeune. Ça faisait environ 5 ans que le groupe existait. C'était quand même très productif. Ils ont sorti leur 3e album complet au printemps dernier, donc pour environ 1 an. Et puis, c'est ça, on dirait que ça n'a pas marché. J'espère qu'il va y avoir d'autres projets pour eux. C'est un style qui est quand même assez dur à vendre. Donc, j'imagine que les gars ne pouvaient pas. Je pense que je me rappelle quand tu en avais parlé. Si tu continues ton explication, je pense que j'avais même acheté l'album. Ah c'est, oui? C'est celui-là? C'est celui-là qui sonne jeu vidéo un peu? Ah non, ça c'était Born Gold, je crois. Ah, tout à fait, t'as raison. Je m'excuse. Mais non, Apollo Ghost, c'est un style différent. C'est pas très jeu vidéo, c'est plus un genre de rock, un peu garage, assez low-fi, pas trop bien fini. Et puis le groupe veut vraiment, volontairement, que leur musique soit pas très commerciale, soit pas très passable sur les radios plus commerciales, parce que les pièces sont vraiment faites de façon là, à ne pas attirer l'attention médiatique de masse. Et pour tant mieux en même temps. Ben oui, c'est ça. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est probablement pour ça que je les aime puis qu'ils ont eu un bassin de fans qui était quand même très fidèle. Mais tu sais, les pièces sont souvent quand même assez mélodiques. C'est pas du gros rock garage là, très mal fini là. Souvent, les pièces sont quand même assez mélodiques, sont quand même assez accrocheuses. Sauf qu'ils s'arrangent toujours pour que chaque pièce ait quelque chose qui la voit complètement à gauche. Donc souvent, les pièces vont durer comme 1 minute et demie, vont finir très abruptement ou vont avoir comme vraiment deux parties complètement différentes à l'intérieur de la même pièce. Donc c'est sûr que c'est un style de musique qui est peut-être un petit peu plus dur à vendre, mais quand même, le groupe a eu 3 albums. Leur dernier album, Landmark, qui était sorti au printemps dernier, lui, avait quand même un petit potentiel. On dirait qu'avec le dernier album, il avait peut-être essayé d'aller chercher plus de fans, de se rendre un petit peu plus grand public. D'ailleurs, la pièce que j'ai choisi de vous passer est quand même une pièce qui a une construction plus traditionnelle, là, vraiment avec un début et une fin, donc elle est moins saccadée un peu, moins à gauche. Donc la pièce s'appelle Landmark, c'était la pièce titre de leur dernier album. Et ce sera le dernier album à vie de Apollo Ghost, malheureusement. Ça avait tant de potentiel, j'imagine. C'est triste, hein? Oui, j'adorais ce groupe. C'est ce qui va terminer le bloc tantôt, donc on va les entendre dans l'ordre que tu nous as présenté. Kiwan, avant de terminer, comme on fait toujours, c'est la tradition, et quand t'enlèves une tradition, tout s'écroule, hein, celui-ci? Combien il fait en Alberta? Oui, c'est vrai, la chronique météo. En fait, dans la dernière semaine, ça a été très à l'image des hivers albertains. Vendredi dernier, il faisait environ 14 degrés. Je travaillais en t-shirt à l'extérieur. Et en fin de semaine, on a eu la plus grosse tempête de l'hiver. Il y a eu 27 cm de neige à Calgary. Puis là, on est encore. J'ai encore les pieds dans la neige présentement. Les extrêmes, toi. extrêmes. Et évidemment, étant donné qu'ici en Alberta, on n'enlève pas la neige des routes, on attend plutôt qu'elle fonde et que les gens roulent dessus, ben c'est pas évident. Ça coûte moins cher. Oui, c'est ça. Gouvernement Harper, c'est ça que ça veut dire, hein? Oui, faut pas confondre là, non plus le gouvernement provincial et fédéral. Tout à fait. Faut pas s'embarquer en politique non plus, sinon on n'arrêtera pas. Mm-hmm. Hein? Oui, c'est ça. Merci, Kiwan. On te retrouve dans 2 semaines, les mardis, à 8h40-45 environ. C'est ça, dans 2 semaines. Merci. Exactement. Merci à vous. Bonne journée, Kiwan. Salut. Bonne journée. Bye-bye. On commence avec Daniel A. The Sandwich. Voici Indiana. Thank you. to do so. And there are girls who'll never know the things I know. And there are boys who'll never feel the things I feel. Won't you keep a light on when I'm lost and wondering who to be? Just sail the sea, yeah, sail the sea, yeah. Apollo Ghost et la pièce Landmark à Assemblage Requis. C'est ce qui conclut la chronique de Kiwan en cavale. Je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver les liens et les pièces de la chronique sur assemblagerequis.com. Est-ce que tu as encore la liste des chansons? Est-ce que tu te rappelles ce qu'il y avait dans le milieu du bloc? Mais hein. On a eu Daniel Ate the Sandwich, ouais. Indiana. Ça, c'est au début, ouais. Ouais. Young Galaxy, ouais. Fall for You. C'est vrai. Apollo Ghost. Landmark. Quel beau trio de musique qu'on vient de se mettre dans nos oreilles de la part de Kiwan qui est de retour toutes les deux semaines, les mardis à 8h40-45 environ. Et nous, ben, on va terminer l'émission ici. Alors, on remercie Anne-Julie Durocher qui a passé une bonne partie de l'émission avec nous. Merci. Mais là, pas une si bonne partie, là, genre 20 demi-heure. Minutes. C'est ça, une vingtaine de minutes. T'es assis jusqu'à la fin, quand même. Oui, c'est fun d'être avec vous. Oui, ben, c'est très, très fun de te recevoir. Tu vas transitionner au jeudi dorénavant. Oui. Entre 8h et 8h30, ça va être Jasmine et toi dans la même demi-heure comme avant. Ben oui, le petit duo revient. Comme dans le bon vieux temps, j'aime beaucoup ça. Donc, jeudi, à partir de la semaine prochaine. Oui. Voilà. Sinon, merci aussi qui avons eu aujourd'hui, Alexandra Carignan, qui a participé avec sa chronique Le Temps d'une Culture. Demain, à l'émission, on va avoir un beau plan, encore une fois, comme tous les mercredis. Stéphanie Paradis va être là pour sa chronique Zone Campus. Sinon, on va aussi avoir la chronique de Marie-Pierre Laforge-Bourret, chronique cinéma. C'est un retour pour elle. On en parle depuis longtemps. Et ça a été remis à plus tard plusieurs fois. Mais là, c'est vrai, c'est demain à 8h. Après 8h, 8h30, je pense, la chronique. Il semble que c'est 8h30. Je me mêle dans les heures, mais c'est pas grave. On va se quitter avec une pièce de Pierre Lapointe, un nouvel extrait du palmarès francophone sur son album Pink. Ça va être la sexualité. On n'a pas encore beaucoup joué. On se l'apprivoise tranquillement, pas vite, ce nouveau disque de Pierre Lapointe. Passez une belle journée. Merci Anne-Julie encore une fois. Merci Jean-Philippe. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Merci Mathieu. Le dîner de con s'en vient à 11h, puis arrête de me crier après, là. Voyons. Puis cet après-midi, Melon Miel et Chou de Bruxelles ne fait pas relâche. Non, vous êtes là, c'est vrai. On est là en maudit. Et c'est quoi le thème de l'émission d'aujourd'hui, va? Je sais pas. C'est pas encore? J'ai texté mes collègues. Parce qu'on était supposé avoir un thème, finalement, ça ne nous allumait pas. On a travaillé fort là-dessus. On peut pas savoir ce que c'est, juste pour savoir ce qu'on aurait pu vivre ensemble? Genre quelque chose de multiculturel. On s'est dit que c'était... Raciste? Ouais. Ça vous intéressait pas? Raciste? Non, mais non, c'est parce qu'ils veulent le reporter à plus tard, là, parce que ça va être la semaine. Multiculturelle. Et oui. Puis on va pouvoir avoir des invités de marque. Amener de la bouffe. Il y a peut-être des petites affaires de dégustation culinaire. Oui, mais cette année, ça va être dans le hall, dans l'entrée. Scoop! Scoop! Ben, on apprend des choses. Ouais, c'est fou. Tant mieux. Ben, bonne émission cet après-midi. Ah, merci. Entre les deux, il y aura Rock Classique en version écourtée de 13h à 16h. Tout ce que j'aurais fait si j'avais vraiment fait la programmation de la journée comme je le fais tous les jours. Ouais, mais là, c'était décousu, c'était parfait. Déjà. Commence par le début, finis par la fin, puis finis par le milieu. Ouais. Bon. Ben, ça résume l'émission au complet, ça, je pense, de toute façon. Il va y avoir une pleine lune dimanche. Non, je sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi je parle de pleine lune. On a appris qu'on changeait d'heure en fait, semaine. J'ai vu passer ça sur Facebook. Je suis contente que vous me le confirmiez. Puis j'étais vraiment pas certaine. C'est peut-être dois-je me fier à cet outil? Internet, assemblage requis, c'est le gage de non-fiabilité. Mm-hmm. En tout cas. J'étais su qu'on se quittait avec Pierre Lapointe. Oui, c'est vrai. Il y avait une pointe de vérité là-dedans. Allez, bonne journée. Bonne journée. Bye bye, là. Je dis à ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre.